Le plus grand acteur du monde, par Pierre Frondet. Il est 1h du matin. L'enthousiasme est en moi. Il me possède entièrement. Et je sais bien qu'il n'est pas destiné à mourir bientôt comme d'autres allégresses, si vite éteintes qu'allumées. Non. Le spectacle auquel je viens d'assister fut unique et prodigieux. Nous sommes 2000 à l'avoir vu. Qui jamais plus ne l'oublieront. Quelle soirée! À telle minute terrible, les programmes tremblaient dans nos doigts, comme les feuilles de platane dans le mistral, et le théâtre était traversé d'un frisson dont le secret est perdu pour toujours. Ce fut énorme. Je ne peux attendre jusqu'à demain pour écrire ma critique à tête reposée. Il faut que je me délivre ce soir même. Il n'avait pas menti, le journal annonçant la représentation extraordinaire. Extraordinaire, en effet, je vous l'affirme. Est telle qu'il est impossible désormais qu'elle se reproduise dans le cours des âges. Et pourtant, cela dura peu d'instants. 20 minutes à peine. Mais quelle minute! Voici. Tous mes lecteurs connaissent Laurent Darcy, le comédien roi. Jusqu'au commencement de l'hiver dernier, et depuis ses débuts presque, en tous les cas depuis 10 ans, son règne était absolu, son essor définitif. Il planait au-dessus des critiques. Son génie dominait la foule. Le discuter aurait paru de l'hérésie. Il était l'enfant venu, le messie de l'évangile comique. Les auteurs parlaient de lui avec des ferveurs d'apôtre. Son sourire dominait l'époque. C'était aussi l'incarnation de la réussite, la synthèse de la chance intégrale. Et tout d'un coup, en une soirée, à cause d'un rôle trop dissemblable de lui, Laurent Darcy, je ne dis pas trébuchait, mais se heurtait du pied au caillou de la moindre réussite. Il permettait la discussion à la malveillance, à la jalousie. On osait les restrictions. Conscient de sa prodigieuse valeur, cette espèce d'embûche, mal évitée par son instinct, le faisait cruellement souffrir, si cruellement qu'il renonçait au théâtre brusquement. Ainsi Racine après l'échec de Phèdre. On peut comparer un grand acteur, le plus grand, à un grand poète, le plus grand. Vous vous rappelez, en vain, pendant 2 années, ses amis l'ont-ils assiégé de remontrances. En vain, la foule, privée de lui, si nécessaire à l'âme moderne, l'a-t-elle réclamé par toutes les voies de la presse. Il s'est obstiné. Tout de même, il y a 2 mois, sollicité pour une représentation unique et extraordinaire, il consentit à reparaître une dernière fois devant le public. Il fit plus. On annonça qu'il jouerait une pièce inédite en un acte, une pièce dont il était lui-même l'auteur. Attraction magnifique mais sans titre. Oui, on afficha seulement une comédie de M. Laurent Darcy jouée par M. Laurent Darcy. Et ce fut pour ce soir. Ah, je vous assure que tout à l'heure, quand le rideau se leva sur l'illustre artiste, la foule anxieuse sentit battre à la fois tous ses cœurs. Et vous allez savoir enfin l'extraordinaire et tragique chose que nous avons vue. Dans un décor très banal en somme, un salon quelconque, Laurent Darcy était seul. Avant même qu'il lui dit un mot, les bravos s'envolèrent de toutes les mains. On se réjouissait de le retrouver enfin, pareil à lui-même, pareil à nous-mêmes, ainsi qu'on l'avait aimé si longtemps. Lui nous regardait visiblement en proie à une émotion totale. Il n'avait pas changé. Les yeux cependant recelaient une espèce de souffrance terrible, cérébrale, comme une sorte d'idée fixe. Il y a des gens en train de devenir fous, qui montrent sur leurs paupières des lueurs pareilles. Nous étions angoissés soudain par ce regard qui fouillait la salle. Nous en avions vaguement peur. Les premières phrases nous rassurèrent. Laurent Darcy les lança de sa belle voix grave et sobre, en pleine maîtrise. C'était pour nous la perfection reconnue enfin. De nouveaux bravos fusèrent. 1, puis 2 personnages de la comédie entrèrent à leur tour. La pièce était engagée. 2 minutes passèrent sans incident. Il s'agissait naturellement d'une exposition de crise amoureuse. Tout le théâtre moderne vit de ce pas-là. Pour être franc, rien même de bien intéressant dans le dialogue, des phrases nature, sans trop de sel, une simplicité voulue. Tout à coup, Laurent Darcy manqua sa réplique, ou plutôt, il défigura les mots, comme bafouillant. Ce n'était pas son genre, vous le savez. Depuis 20 ans, personne ne l'avait entendu ébrécher un texte. Ce fut une stupeur. En scène, les autres artistes s'empêchèrent mal de s'émouvoir, et dans la salle, le respect seul, l'affection intervinrent auprès du rire. Mais lui, notre comédien ne broncha pas. Il semblait ne s'être aperçu de rien. Moi, qui le contemplais à travers la jumelle, je vis s'accentuer cependant la lueur étrange et fixe de son regard. Mais déjà la comédie continuait par une action charmante. Bientôt, nouvelle alerte. Tout en articulant son texte, à un endroit très simple, très peu dramatique, l'artiste fut pris d'une espèce de fureur de geste, lui, si impassible toujours. Cela dura quelques secondes, laissant une impression pénible. Puis, à nouveau, il oublia ce qu'il devait dire. On percevait parfaitement la voix éplorée du souffleur. Mais pareil à ces anciennes et vaines prières mortelles qui ne troublaient point les idoles, elles venaient mourir au pied de Laurent Darcy, tout à fait étrange et inquiétant depuis quelques minutes. Il ne parlait plus, émettant des sons inintelligibles, comme font les bêtes, et toujours avec un grand sang-froid magistral, ayant l'air de ne pas du tout se rendre compte de son état. À l'affolement douloureux de ses camarades, à l'émotion de la salle, il opposait son sourire habituel, son sourire satisfait et net des grands soirs de victoire. Aucun doute, il tombait fou. Le malaise général se transformait, devenait une pitié intense qu'on exprimait bientôt à voix haute. Lui seul, tel aveugle et sourd, continuait ses grognements. « Au rideau !» quelqu'un cria, ne dominant plus son impression trop pénible. « Au rideau ! Au rideau !» La prière devint générale. Laurent Darcy, d'un brusque bond, se rapprocha de la rampe. Son regard terrible eut l'air de voir tout le monde à la fois, de reconnaître chaque critique dans son fauteuil. Et cependant, j'insiste, ce regard lucide était un regard fou, halluciné, un vrai regard de torture. Il fit lever la salle entière d'un seul mouvement. Une épouvante passa. Plusieurs amis qu'il avait dans les loges eurent ensemble la même inspiration douce. L'appeler par son nom, affectueusement, pour essayer qu'il se reprenne. « Voyons, mon vieux, Laurent Darcy, mon grand, tous tes amis sont là, Laurent Darcy, voyons. » Et sur le décor même, effaré dans son habit noir, surgissait le directeur. Puis on voyait le régisseur, puis en côte bleue les machinistes. Et l'actrice terrifiée s'approchait du comédien dans un grand geste de pitié tendre. Personne n'ignorait leur amour, presque officiel depuis longtemps. Son élan d'épouse nous bouleversait tous, pauvre femme. Laurent Darcy s'était retourné, blême, hagard, l'air en fureur tout d'un coup. Il retrouvait la parole pour injurier son ami, mais sans outrance, sans descendre au mobile, avec plutôt l'insulte dans l'intonation que dans le mot. En même temps, il trouvait des bribes de phrases pour exprimer son mépris à la foule, puis à tue-tête, il chanta, éclatant d'un rire atroce à la fin du couplet. Personne n'exprimera jamais assez bien l'horreur dont nous étions saisis. Le désespoir que nous avions tous de voir sombrer ainsi la merveilleuse intelligence d'un tel homme. Une plaque photographique qu'on aurait impressionnée sur la salle n'aurait montré que des visages convulsés de chagrin, sculptés d'angoisse. Laurent Darcy, notre Laurent Darcy, dans un état pareil. N'aurait-il pas mieux valu qu'il fût mort? Maintenant, sa crise était au paroxysme. Entouré de tout le personnel du théâtre, il était sur la scène comme un lion qu'on ose approcher. De sa main droite puissante, il avait saisi l'actrice à la gorge. Il l'étranglait, poussant lui-même des râles et beaux dans l'horrible. Enfin, nous vîmes la troupe entière se jeter sur lui pour le maîtriser tandis que le rideau tombait. Quelle minute dans la salle! Tout le monde pâle se regardait. Le frisson de l'atrocité nous imposait silence d'abord, mais les mots, les exclamations, les cris allaient repartir de plus belle. Quand le rideau se releva et quand nous vîmes Laurent Darcy, souriant, impassible, narquois, calme et puissant comme jadis. Son regard profond et doux nous inventoria une seconde, puis « Mesdames, messieurs, dit-il, la pièce dont je suis l'auteur et que je viens d'avoir l'honneur de jouer devant vous pour l'unique fois s'appellera désormais « L'acteur devenu fou ». Elle a été réglée et mise en scène par moi-même. Il s'inclina, tandis que montait vers lui notre clameur de joie, d'enthousiasme et de délivrance. Ceux qui n'ont pas vu cela n'ont rien vu. Donner une telle sensation aux hommes, leur imposer l'horreur, leur faire croire ainsi à la réalité de la fable, il faut, pour y réussir, être ce qu'est Laurent Darcy, le plus grand acteur du monde. Pierre Frondet.